Pas, mais une fois que tu... Même si toi, t'es décalé, si tu veux, moi ici, je vais jouer en fonction de ce que je vais recevoir et on va être calé à force. Là, parce que si tu veux, on est en téléphone en direct et on voit le décalage énorme. Hein. Eh bien, justement, il y a le métronome pour ça, pour nous caler. On a le même métronome qui défile là. 15, 16, 17, 18, 19, c'est ça. Donc, tu vois, on se cale d'après le métronome et forcément, sur le serveur, on va être ensemble. Alors, on va démarrer quand ça arrivera sur le 1, d'accord? Hein? Allez, attends, je ne sais pas ce que ça va jusqu'à combien? 32, ça, il va jusqu'à 32. Alors, je te dis 28, 29, 30, 31, 32, puis on démarre sur le 1. 30, 31, 32, pof! Attends, j'ai pas reçu encore le truc. Et non, non, mais bon. J'ai pas reçu encore ton son. Voilà, maintenant tu commences. Maintenant j'entends. Oui, c'est ça. Moins qu'on ne sache pas le régler, c'est bizarre quand même, mais... Ouh.